Chapitre 12. Madame Bricard était assise dans son petit salon auprès d'un feu aimable, enterré sous les cendres chaudes, un de ces feux de bois qui durent toute l'après-midi sans qu'on ait besoin d'y toucher et qui vous inspirent les pensées les plus agréables. Paul était retourné à ses devoirs. Elle l'avait bien et dûment pacté, et de sa fenêtre elle avait suivi des yeux la voiture qui l'emportait, car elle ne l'eût pas laissé sortir à pied. Ensuite, après s'être assuré que Félix, fort sérieux, bâtissait des constructions importantes avec une foule de morceaux de bois, sous l'œil attentif de sa bonne, devenue sa bonne après avoir été celle de sa mère, Madame Bricard s'était enfin installée dans un bon fauteuil, afin de terminer une superbe tapisserie commencée depuis longtemps et destinée à faire un écran pour la cheminée de son mari. Que d'événements depuis le jour où elle avait reçu par la poste à Saint-Martin cette tapisserie et échantillonnée envoyée de Paris, et qui avait fait alors l'admiration de la petite ville. Pendant 8 grands jours, il avait fallu montrer cet ouvrage de Pénélope à toutes les dames de l'endroit. « Mais c'est au petit point, ma bonne » s'était-on écrié de toutes parts. « Vous n'en viendrez jamais à bout. » La jeune femme souriait avec orgueil. Pour son mari, de quoi n'eût-elle pas été capable? Et d'ailleurs, bébé marchait seul, et sa mère lui avait promis, si elle se trouvait jamais dans un embarras par trop pressant, de lui céder sa vieille domestique qui la servait depuis 30 ans. 18 mois s'étaient écoulés. Le voyage à Paris s'était présenté inopinément, puis la maladie de Paul. Le fameux écran avait été bien abandonné. Mais le nouvel an approchant, Claire s'était reprise d'une ardeur nouvelle. D'ailleurs, sa mère, en la quittant, lui avait enfin laissé sa vieille servante. Les fameux changements de domestique, si odieux à Paul, allaient être bannis pour toujours du chapitre de leur misère domestique, et c'était le moment ou jamais de terminer cet ouvrage. Qui saura jamais dire de quelle passion l'on se prend pour une tapisserie? Est-ce le travail de la combinaison des nuances ou celui du nombre des points? Est-ce le plaisir de voir s'épanouir sur le canevas des fleurs qui ne doivent pas mourir? Est-ce enfin le souvenir des pensées tristes ou gaies qui accompagnent le travail et dont le réseau se noue imperceptiblement autour de l'ouvrière? Il serait difficile de le dire. Mais la tapisserie n'est pas un ouvrage banal comme tant d'autres, et l'attention, sans cesse surexcitée, donne au cerveau une vivacité d'impression qu'il n'aurait pas en d'autres circonstances. Claire revoyait sa vie en retrouvant les laines de couleur douce, un peu effacées, qui devaient remplir les vides du canevas. Elle avait été très heureuse en commençant cet ouvrage, plus heureuse peut-être encore le jour où elle l'avait jeté au fond d'une corbeille en lui promettant de leur sortir à Paris. Paris, le rêve de son mari, où sa carrière recevait une consécration définitive, où son talent obtenait sa récompense. Paris avait-il tenu tout ce qu'il promettait? Claire se le demandait en piquant son aiguille agile dans les trous du tissu. Oui, certes, il avait tenu ses promesses et au-delà, en ce qui regardait la gloire, la fortune et le bien-être. Mais le bonheur était-il venu? Sans doute. Et le cœur de la jeune femme se gonfla d'une joie profonde en pensant à cet après-midi de l'avant-veille si belle et si lumineuse, où elle était allée au bois avec son mari, guéri et joyeux, plus dévoué peut-être encore et plus affectueux qu'autrefois. Cependant, une amertume secrète assombrissait ce passé de la veille. Claire avait l'impression vague d'avoir souffert depuis son arrivée à Paris. Des peines nouvelles étaient nées dans ce charmant logis arrangé avec tant d'amour. L'image de Camille, après avoir flotté indistincte pendant un moment, s'arrêta tout à coup entre Madame Bricard et son ouvrage. Camille n'était pas bonne. Cette pensée, que la jeune femme avait 100 fois chassée avec succès, revenait sans cesse, et maintenant Claire ne pouvait plus la conjurer, comme autrefois, avec le souvenir des bonnes œuvres de son amie. Camille avait joué dans sa maison le rôle du mauvais génie. Avec elle était entrée dans cet aimable nid où le bonheur devait couver les époux sous son aile, les paroles acerbes et les reproches injustes de son mari. Avec Camille s'était présenté le devoir, grognon, déplaisant, hostile, là où n'avait jamais pénétré que la sérénité du travail aimé, de l'effort qui ne coûte rien, parce qu'il est dicté par l'amour, que la joie de faire bien pour charmer ce qu'on aime. Était-ce mal, en vérité, que d'aimer son devoir, et fallait-il se détacher des biens de la terre au point de n'apporter dans son intérieur qu'un visage résigné, au lieu du sourire de contentement de soi-même? Fallait-il fuir comme un remords les louanges de sa propre conscience? Claire sourit doucement. « Non, pensa-t-elle, Camille ne m'apprendra pas à haïr la vie pour éprouver ensuite l'ineffable joie de lui pardonner. Ce n'est pas sa morale étroite et lugubre qui est la vraie. Ses façons ascétiques ne sont plus de notre temps, et pourvu que je ne sois pas une bonne femme pour mon mari, une bonne mère pour mon enfant, une âme droite et compatissante envers tous ceux qui m'approchent, il me semble que je pourrais mourir en paix, sans craindre un jugement sévère. » Ici, une pensée troubla la méditation de Madame Brécard. N'était-elle pas trop rigoureuse envers son amie? En plongeant au fond de sa conscience, elle s'aperçut soudain, avec un certain effroi, qu'elle ne l'aimait plus, oh, mais plus du tout. « Elle ne m'a pourtant rien fait, » se dit la jeune femme, consternée de sa découverte. « Est-ce que je serais méchante ?» Elle lui avait fait quelque mal, cependant, car c'était bien à Camille que revenait la responsabilité de la maladie de Paul. Mais tout cela était fini, elle n'eût plus dû s'en souvenir. Pourquoi ce mauvais sentiment, qui venait malgré tout, et qui semblait grandir à chacun de ses efforts pour le vaincre? Afin de changer le cours de ses idées, elle alla embrasser son fils dans la pièce voisine, où il bâtissait toujours de superbes châteaux de bois blanc. « Dis-moi, Félix, m'aimes-tu bien ?» lui demanda-t-elle, poussée par le besoin de se défendre contre l'idée de sa propre méchanceté. « Oui, » répondit bébé en hochant gravement la tête. « Et papa aussi, et Marie aussi, » ajouta-t-il en indiquant la vieille bonne. Il ajouta un morceau de bois à son œuvre, puis pencha la tête de côté pour l'admirer. « Tu sais, mère, » reprit-il au bout d'un moment, « c'est Camille que je n'aime pas. » Pour confirmer son dire, il renversa d'un coup de main l'échafaudage léger, qui s'écroula avec un bruit assourdissant, puis sans perdre un moment, le futur ingénieur se remit à l'ouvrage. Claire entra dans le salon, presque effrayée de ce qu'elle venait d'entendre. Son antipathie pour Camille était-elle si naturelle que l'enfant lui-même n'eût pu en défendre son âme innocente? Ou bien était-ce elle qui lui avait inspiré, sans le vouloir, ce sentiment malsain qu'elle eût voulu anéantir? Au moment où elle reprenait son ouvrage, on lui annonça M. Mirmont. Cette visite n'avait rien de surprenant. Cependant, Mme Brécard tressaillit avec une certaine joie, espérant vaguement qu'elle allait apprendre quelque chose au sujet de Camille. Si Mirmont eût pu lui annoncer qu'il épousait Camille dans les 24 heures et qu'il partait aussitôt avec elle pour l'Algérie, elle lui eût vraisemblablement sauté au cou. Mirmont n'avait pas l'air de partir pour l'Algérie, mais il n'avait pas non plus l'air d'un homme qui vient annoncer son mariage prochain. Il s'assit en face de Claire avec sa grâce accoutumée, et pendant 10 belles et bonnes minutes, il lui tint les propos qu'un célibataire aimable et galant tient à une jeune femme honnête et jolie qu'il reçoit pour quelques instants. Comme il ne parlait pas de Camille, ce fut elle qui prononça son nom, car elle était impatiente. « Votre partie de théâtre a-t-elle réussi ? » lui demanda-t-elle sans le regarder. « Comment l'entendez-vous ? » riposta Mirmont, enchanté de cette question qui lui ouvrait les voies. Claire sourit, élevant les yeux sur lui avec enjouement. « J'entends vous demander si vous avez eu le plaisir que vous vous promettiez. Mademoiselle Froger a-t-elle daigné y assister ?» Mademoiselle Froger a daigné assister et j'en ai eu beaucoup de plaisir, mais je ne sais si je dois vous faire ma confidence tout entière. Vous avez des confidences à faire, cher monsieur. Vous ne trouverez plus jamais de confidente plus discrète. Mirmont prit un air sérieux et s'approcha imperceptiblement. J'ai eu l'honneur, dit-il à demi-voix, de demander la main de Mademoiselle Froger. Les parents vous l'ont accordée ? Fit Claire avec un tressaillement de joie dans le cœur et une douce ironie dans la voix. Ses parents ne me l'auraient, je crois, pas refusé, reprit le prétendant. Mais avant de me laisser arriver jusqu'à eux, Mademoiselle Froger m'a définitivement refusé. Elle ? S'écria Claire. C'est elle qui vous a refusé ? Et sous quel prétexte, grand Dieu ? Mirmont garda le silence un moment. Parler était difficile, mais se taire l'était plus encore, et d'ailleurs, s'il se taisait, à quoi bon cette visite ? Il eût mieux fait de s'abstenir. « Le prétexte qu'elle m'a donné, répondit-il lentement, est de nature si délicate que je me crois à peine autorisé à vous le révéler, à vous, sa meilleure, sa seule amie. » Claire le regardait avec des yeux effarés. Il continua. « Ce prétexte n'est pas de nature à diminuer l'estime que m'inspire Mademoiselle Froger. Je me borne à regretter d'être venu si tard. Vous, mademoiselle, vous qui avez tant d'empire sur Mademoiselle Camille. » Claire eut bonne envie de lui demander s'il se moquait d'elle, mais de peur de l'interrompre, elle s'abstint. « Vous devriez, chère madame, lui faire comprendre que son véritable devoir, la véritable sagesse, lui commande de renoncer à une affection qui ne peut aboutir à rien, sinon à lui causer, à elle et à d'autres, de longs et redoutables chagrins. »« Qu'y a-t-il donc ? » demanda Madame Brécard, envahie par une sorte de terreur. « Elle sentait que Mirmont ne lui pas parlé sur ce ton si la circonstance n'eût pas eu d'importance pour elle. Mademoiselle Froger m'a donné pour motif de son refus une raison devant laquelle je ne puis que m'incliner, mais qu'elle pourrait écarter, je n'en doute pas. Je lui ai certifié que si elle voulait bien revenir sur sa décision, de mon côté, j'oublierais absolument sa confidence, et que les sentiments qu'elle m'inspire ne subiraient aucune modification. « Mais, monsieur, qu'est-ce donc ?» insista Claire, au plus haut degré de la surprise et de la crainte. « En un mot, chère madame, je ne croyais pas vous l'apprendre, Mademoiselle Froger est un homme marié et veut rester fidèle à cet amour. Camille »« Camille ?» s'écria Claire en se levant. « Mais c'est impossible !»« Non, non, cela ne se peut pas. Monsieur, elle vous a dit cela ?» Mirmont s'inclina respectueusement sans mot dire. Madame Ricard joignit ses deux mains, qu'elle pressa douloureusement sur son cœur prêt à éclater, et la laissa lentement redescendre devant elle. 100 fois l'idée de cet amour lui était venue, mais si vague, si trouble, qu'elle ne s'en était même pas souvenue. Et voilà que la vérité terrible surgissait devant elle, et qu'il allait falloir lui livrer bataille. « Un homme marié ?» répéta Claire. Aucune illusion n'était possible. Camille ne voyait aucun autre homme marié dans une semblable intimité, et d'ailleurs, l'ancien bruit de Saint-Martin-les-Mines servait de base irréfutable à cette conviction nouvelle. « Elle ne l'a pas nommé, j'espère, monsieur, » reprit la jeune femme en tournant vers Mirmont son beau visage animé par l'indignation. « Non, madame, elle ne l'a pas nommé, » répondit Mirmont, qui ne mentait pas, car c'est lui qui avait prononcé le nom de Paul. Claire éprouva un grand soulagement. C'était quelque chose que de sentir son nom sauf de cette triste aventure. Que la honte en retomba sur Camille seule, qui n'avait pas su trouver d'autre moyen de se défendre que de se déconsidérer. « Ai-je eu tort, madame ?» reprit humblement Mirmont, « de penser que vous voudriez bien m'aider de vos conseils et ramener Mademoiselle Froger à des sentiments plus rationnels, plus conformes aux principes qui l'ont dirigée jusqu'ici. « Soyez assuré, monsieur, » répondit Claire en levant sur son interlocuteur le regard honnête de ses beaux yeux. « Soyez absolument certain qu'en ce qui dépendra de moi, le possible sera fait pour faire comprendre à Mademoiselle Froger son véritable devoir. » L'indignation qui, l'instant d'avant, enflammait son visage, avait fait place à une pâleur subite. L'abîme qu'elle venait de sonder lui avait donné le vertige. Se pouvait-il que Camille, avec ses beaux sentiments d'honneur, de devoir, de rigorisme étroit et fanatique, eût osé entrer dans sa maison avec un cœur adultère? La pensée de cette trahison lui faisait horreur, au point de lui inspirer plus de dégoût que de colère. Elle s'assit avec un geste découragé, si découragé que Mirmont se sentit ému de pitié pour elle et regretta presque de l'avoir averti. « Bon, » pensa-t-il pour se consoler, « c'est un service que je lui ai rendu. » « Je me permettrai de vous faire observer, chère madame, » dit-il tout haut, « que si Mademoiselle Froger apprend que j'ai eu l'honneur de converser avec vous, le fruit de vos excellents conseils sera perdu pour moi. Dans sa colère, elle me repoussera plus que jamais. »« Vous avez raison, monsieur, » répondit Claire. « Elle ne saura pas que je vous ai vu. D'ailleurs, » ajouta-t-elle avec amertume, « elle ne s'étonnera pas que je sois prévenue. » Sans relever cet aveu involontaire, Mirmont se hâta de se retirer. Il avait le cœur sensible et n'aimait pas la vue des maux qu'il avait causés. À quoi désormais sa présence eût-elle pu servir? Sa seule crainte était de rencontrer Camille dans l'escalier ou dans les alentours. Mais la divinité spéciale qui le protégeait lui évita ce désagrément. Claire reprit sa tapisserie et, machinalement, essaya de suivre le dessin. Après avoir piqué son aiguille 2 ou 3 fois au hasard, elle jeta son ouvrage dans la corbeille et resta immobile, les mains ouvertes, les yeux fixes. Le mystère était éclairci désormais. Voilà le secret des reproches de Camille, de ses railleries, de ses dédains, de toutes ces choses étranges qui depuis 6 mois empoisonnaient lentement sa vie. Si Camille aimait Paul, il était tout simple qu'elle blâmât les moindres actions de Claire, qu'elle s'efforçât par toutes ses paroles de rejeter dans l'ombre et dans le néant la rivale dont la présence lui était au moins opportune, sinon odieuse. C'était tout naturel, en effet, et Claire sentit que rien n'était plus évident. Mais pourquoi cette rivalité? Comment Camille, si fière, si hautaine, si susceptible, avait-elle osé hasarder sa blancheur d'hermine dans le bourbier d'un pareil amour? En pensant aux beaux principes de son amie, Madame Bricard se sentit prise de pitié. À quoi bon ses pensées élevées, ses paroles austères, tout cela pour en arriver à convoiter le mari d'un autre? Le mépris le plus écrasant se dressa dans l'âme innocente de la jeune femme, et l'emporta soudain à plus de 100 coudées au-dessus de sa rivale malheureuse. Et Paul, elle a pensé que c'était à son mari, à cet être noble et droit entre tous que Camille avait osé s'attaquer, la colère de Claire se leva furieuse. Elle eût peut-être pardonné à la jeune fille de lui avoir fait du mal, mais d'avoir exposé Paul à succomber, à trahir la foi du mariage, voilà ce qu'elle ne pardonnerait jamais. « Jamais !» répéta-t-elle deux fois en se levant et en marchant lentement à travers le salon. « Jamais ! Si Paul avait failli un jour, s'il avait regardé cette fille comme il me regarde, s'il lui avait pressé la main comme il me la presse, qu'aurait-elle fait, cette femme affolée ?» Elle regarda autour d'elle et soudain elle courut à la pièce où jouait son fils. Il s'était endormi au bord de la table. La tiédeur du poêle et la monotonie du même jeu l'avaient peu à peu plongé dans un doux sommeil. La face couchée sur ses deux petits bras, ses boucles brunes inondant la table autour de lui, il dormait paisiblement et ses longs cils noirs faisaient une ombre prolongée sur ses joues roses. Au moment où Claire ouvrit la porte avec vivacité, la vieille bonne leva en l'air l'une de ses aiguilles à tricoter qu'elle allait passer dans ses cheveux gris. Ce geste d'avertissement, que Claire avait respecté tout enfant, l'arrêta sur le seuil et elle s'approcha à pas lents. Si Paul l'avait trahi, elle aurait emporté son fils avec elle, et jamais il n'aurait pu retrouver leurs traces. Mais Paul était son époux. Qui aurait osé accuser celui qu'elle aimait? Claire sentit avec orgueil dans son âme d'épouse qu'elle n'avait pas douté de son mari. Rassérénée, triomphante, elle se pencha sur l'enfant de leur amour et l'embrassa doucement sur la frange de Cécile, puis elle appuya affectueusement sa main sur l'épaule de la vieille servante, qui suivait avec inquiétude les changements de son visage mobile et facile à scruter. Une sorte de sourire effleura ses lèvres et elle rentra dans le salon. La colère était passée, la colère qui aveugle et fait commettre des erreurs. Restait la justice, et la justice voulait que Camille fût punie. Rien n'était plus facile, car avec cette orgueilleuse, le plus sûr châtiment, le plus rude, était de blesser son orgueil. Claire regarda la pendule. Camille rentrait de bonne heure ce jour-là. Elle était sûre de la trouver chez sa tante. Elle s'arrêta au moment de prendre son chapeau. Ce n'était pas chez les époux Froger que Madame Brécard aurait le droit de parler à cœur ouvert. Il fallait que ce fût chez elle, dans cette maison dont Camille avait violé le sanctuaire. Elle écrivit sur une carte « J'ai besoin de te parler tout de suite » et fit porter son message par un commissionnaire. Moins d'une heure après, Camille entra. Son ancienne assurance était diminuée depuis la veille et elle ne se présentait dans cette maison qu'avec une sorte de crainte. Le billet de Madame Bricard était trop laconique pour qu'elle puisse chercher quelque indice de ce qu'on lui voulait, et cependant, elle n'augura rien de bon. Il fallait pourtant se rendre à l'invitation de son amie, car quel prétexte donner à un refus. Elle entra donc inquiète, presque effrayée, mais cachant ses craintes sous le masque conventionnel de son affabilité souriante et froide. « Tu m'as fait demander, ma chère ?» dit-elle. « Que me veux-tu ? » Elle approchait son visage de celui de Claire, mais celle-ci se recula un peu et n'avança pas la main en réponse à celle que Camille lui tendait. Mademoiselle Froger devint très pâle, et une secousse nerveuse la remua de la tête aux pieds. Les deux femmes se regardèrent une seconde en silence, et Camille comprit que Claire savait tout. Son orgueil indomptable, cependant, lui inspira le courage de tenir bon, et elle ne baissa pas les yeux. On l'eût tuée sans lui faire demander pardon. D'ailleurs, un mépris souverain pour Paul Brécard venait de naître en elle, à la pensée que lui seul avait pu livrer son secret à Claire. Quel homme faible et sot, qui n'avait pas su défendre la dignité et l'honneur d'une femme contre les épanchements de l'intimité. Il s'était joué d'elle, sans doute, et tous les deux, elle et lui, ils avaient tourné en ridicule cette pauvre Camille, victime d'un amour sans espoir. Elle eut honte de l'avoir aimée. « Que me veux-tu ? » répéta-t-elle cette fois d'un ton bref et impérieux. Claire ne se laissa point émouvoir. Pendant l'heure précédente, elle avait eu le temps de mettre de l'ordre dans ses idées. « Je voulais te dire, répondit-elle d'une voix claire et vibrante, que tu aimes mon mari. » Camille ne put réprimer un mouvement de colère. Madame Bricard était en possession de tout son sang-froid et l'outrage n'en était que plus sanglant. L'orgueil de la jeune fille lui inspira un parti désespéré. « Je l'aimais, » dit-elle avec hauteur, « mais depuis qu'il a été assez vil pour livrer mon secret à sa femme, je ne l'aime plus, je le méprise. » Claire faillit lever la main pour frapper la bouche qui venait d'insulter son mari, mais elle sut se contenter et fit un pas en arrière. « Tu aimais mon mari, et tu l'as cru capable d'une lâcheté ? Moi aussi je l'aime, et je ne l'ai pas soupçonné un seul instant. Voilà la différence entre ton amour et le mien. » Après un court silence, elle ajouta « Paul ne m'a jamais parlé de toi. Tu lui avais donc dit que tu l'aimais ?» Camille, blanche de colère et de honte, continua à regarder Claire avec ses grands yeux pleins de haine et de défi. Elle s'en voulait mortellement de s'être trahie alors qu'elle eût pu lutter, et peut-être plus encore d'avoir renié son amour au moment où Paul s'en montrait plus digne que jamais. « J'ignore, dit-elle enfin, le nom de l'infâme qui m'a trahi. Tu me dis que ce n'est pas lui ? Je te crois. Alors il est le même qu'avant. Il n'a rien perdu de mon estime, ni de... » Elle hésita. « De mon amour ? » conclut-elle audacieusement. « Te trahir ? » s'écria Claire. « Mais a-t-il besoin qu'on te trahisse ? Ne t'es-tu pas démasqué toi-même 1000 fois ? N'a-t-il pas fallu toute mon indulgence, toute la sotte pitié que m'inspiraient tes malheurs, pour m'aveugler aussi longtemps sur ta conduite ? À 100 reprises diverses, j'ai cru m'apercevoir que tu n'étais pas mon ami, que tu ne cherchais qu'à me nuire, à détacher de moi mon mari. Si j'ai repoussé cette idée, c'est parce que je ne voulais pas croire au mal, parce que de tels soupçons me semblaient indignes de nous. Mais aujourd'hui que j'ai ouvert les yeux, je t'ai fait venir pour t'annoncer que tout est fini entre nous, que j'oublierai ton nom et ton existence et que... » « Et que, » répéta Camille avec hauteur, « que tu dois faire de même. Tu n'aurais pas dû me forcer à te le dire. » « Je croyais, » reprit méchamment Camille, « que la femme n'avait d'autorité dans le ménage que ce que lui en laissait son mari. As-tu pris l'avis du tien avant de me donner mon congé ?» Claire regarda son ancienne amie bien en face, et celle-ci n'osa soutenir ce regard honnête, plein d'une indignation que les paroles ne pouvaient plus rendre. Elle détourna les yeux et fit un mouvement vers la porte. « Écoute, » lui dit Madame Bricard, « il faut que tu m'entendes. Je te comprends mieux que tu ne crois. Je te dirai même que je te plains. Oh, tu as beau me regarder avec dédain, de nous deux, ce n'est pas moi qui suis à plaindre. Et cela n'est pas une question de position ou de fortune, c'est une question de caractère. Tu as voulu être parfaite. Tu t'es soustraite aux erreurs, aux défaillances de la vie ordinaire. Tu as cherché ailleurs que dans l'existence réelle, la satisfaction de tes désirs et l'accomplissement de tes rêves. Tu rougissais à la pensée de la maternité. Tu me trouvais inconvenante quand j'embrassais mon mari. Et voilà que la vie s'est vengée sur toi. Tu aimes le mari d'une autre. Tu connais les paroles de l'Évangile. Celui qui a commis l'adultère dans son cœur est adultère. Eh bien, voilà ton châtiment. Si tu avais été la femme d'un autre, tu n'aurais pas convoité mon mari. Je n'ai pas convoité ton mari, interrompit Camille. L'amour que je lui porte n'a rien de commun avec ce que toi tu appelles de ce nom. Je te demande bien pardon, Camille. C'est ce que tu éprouves pour lui qui n'est pas de l'amour, qui n'est qu'une perversion de tout sentiment honnête. Ce n'est pas de l'amitié, car mon existence te gêne et tu me hais. Ce n'est pas de l'amour, puisque tu ne voudrais à aucun prix, dis-tu, déchoir de ta pureté et donner des enfants à l'homme que tu aimes. Qu'est-ce alors, sinon un produit de ton esprit malade ? Je te plains, Camille, oui, je te plains. Mais les malfaiteurs, qu'on peut plaindre quand le bras de la justice s'appesantit rudement sur eux, sont nuisibles et on les sépare de la société. C'est ainsi que je te bannis de ma maison, non parce que je te hais. Je ne te hais pas, mais parce que dans la route que tu as choisie, tu ne peux faire que du mal à toi-même et aux autres. Il était inutile d'en dire si long, répondit Camille en ouvrant la porte. Tu n'avais qu'à me prier par écrit de ne pas revenir. Tu nous aurais évité une scène ridicule. Je ne la trouve pas ridicule, moi, répliqua Claire. Et vois encore la différence entre nous. Tu t'en vas avec un sarcasme, et moi, en songeant à notre amitié que tu as détruite et souillée, je me sens le cœur plein de regrets. » Camille sortit sans répondre, et Claire entendit la porte se refermer sur son amie. Elle resta immobile un moment, puis, couvrant son visage de ses mains, elle fondit en larmes. Que de souvenirs d'enfance remontèrent alors du fond de son âme en cette heure douloureuse. Depuis la première pitié qu'il avait saisie au cœur pour Camille orpheline, vêtue de noir et les yeux rougis par les larmes. Depuis la première poupée dont elle s'était privée pour cet enfant sans jouets et sans plaisir, jusqu'à leur rencontre du printemps, où d'un cœur si joyeux, elle l'avait engagé à venir voir sa nouvelle demeure. Tant de petits soins, tant de bonnes paroles, tant d'actions généreuses, et tout cela pour arriver à ce triste résultat. Elle se rappela avec un serrement de cœur que c'était elle-même qui, en voyant tous ses Camilles, la croyant atteinte dans les sources de l'existence, avait engagé son mari à la reconduire le soir. « Ah, Camille, » murmura-t-elle, « tu as abusé de ma confiance. » Elle pleurait encore, le cœur gros de sanglots comprimés, s'efforçant en vain de sécher ses yeux toujours débordés par de nouvelles larmes lorsque son mari rentra. La nuit venait. On n'avait pas apporté de lumière dans le petit salon. Il y pénétra sans savoir qu'elle s'y trouvait. Au bruit de ce pas connu, Claire leva la tête et essaya de recouvrer son apparence ordinaire, mais Paul ne s'y laissa pas tromper. « Tu pleures ?» lui dit-il avec sa tendresse accoutumée. « Qu'as-tu ?» Il la prit dans ses bras et appuya sur son épaule la tête fatiguée de sa chère femme. Elle hésita un instant. Que lui dirait-il ? Elle prit bravement son parti. « Camille t'aimait. Je lui ai défendu de revenir. »« Pauvre Claire !» répondit Paul en la serrant plus étroitement contre lui. « Tu as dû beaucoup souffrir. »« Ah, comme tu me comprends !» s'écria la jeune femme dans un élan d'amour et de reconnaissance. « Toi aussi, tu me comprends, » répondit Paul gravement. « Tu n'as pas douté de moi. »« Si j'avais douté, » fit Claire en se redressant, « c'est moi qui serais parti. » Félix ouvrit la porte du salon et s'avança à tâtons, se heurtant à tous les meubles. « Papa est rentré, » dit-il. « Il n'a pas embrassé Félix. Papa n'est pas sage. » L'enfant avait fini par trouver les genoux de son père dans la demi-obscurité, et tout en le grondant de sa voix mutine qu'il s'efforçait de grossir, il grimpait le long de ses jambes. Paul enleva son fils et le mit dans les bras de sa femme. Puis, enlaçant dans la même étreinte ses chers objets de sa tendresse, il dit à Claire « Vois-tu, il n'y a rien de vrai et de beau hors de la famille. »